On avance en bouclier, juste le cœur qui s'endurcit. À 20 ans, la vie nous teste, nous casse, nous pousse à l'inédit. Je marche sur une ligne de feu, chaque pas peut tout brûler. Je fais genre j'ai pas peur, mais au fond j'essaie de rester debout sans trembler. On veut prouver qu'on vaut mieux que ce qu'on montre en surface. On cache nos failles comme si la honte prenait toute la place. On parle avenir, mais nos voix tremblent un peu. On veut tracer, mais les chemins nous testent en plein milieu. On prend des risques, même quand les champs s'effondrent. On rêve de lumière, même quand tout autour devient sombre. Sur la ligne de feu, on avance quand même. Même si ça brûle, même si ça gêne. Sur la ligne de feu, on lâche pas le jeu. À 20 ans faut tenir, même quand tout devient dangereux. On apprend que grandir, c'est tomber sans prévenir. C'est perdre l'équilibre, puis revenir, puis reconstruire. On veut faire mieux que les erreurs d'hier. On veut grandir pour de vrai, pas juste faire semblant d'être fier. On veut le choix, la chance, l'espace pour respirer. Mais souvent au cours, on serre les dents, on doit improviser. On voit nos rêves briller loin comme des phares. On se dit qu'on va les atteindre, même si tout paraît trop rare. Sur la ligne de feu, on avance quand même. Même si ça brûle, même si ça gêne. Sur la ligne de feu, on lâche pas le jeu. À 20 ans faut tenir, même quand tout devient dangereux. On avance ensemble ou seul, mais on continue la route. Ligne de feu, et pourtant on dépasse le doute.